Je suis de retour dans un moment. Que l'on ait bien soin du logis et que tout aille comme il faut. Si l'on m'apporte de l'argent, que l'on me vienne quérir vite chez le seigneur Géronimo. Et si l'on vient m'en demander, qu'on dise que je suis sorti et que je ne dois revenir de toute la journée. Voilà un ordre fort prudent. Oh, seigneur Géronimo, je vous trouve à propos. Et j'allais chez vous vous chercher. Et pour quel sujet, s'il vous plaît? Pour vous communiquer une affaire que j'ai en tête. Et vous priez de m'en dire votre avis. Très volontiers. Je suis bien aise de cette rencontre et nous pouvons parler ici en toute liberté. Il s'agit d'une chose de conséquence que l'on m'a proposée et il est bon de ne rien faire sans le conseil de ses amis. Je vous suis obligé de m'avoir choisi pour cela. Vous n'avez qu'à me dire ce que c'est. Mais auparavant, je vous conjure de ne me point flatter du tout, hein, et de me dire nettement votre pensée. Je le ferai puisque vous le voulez. Je ne vois rien de plus condamnable qu'un ami qui ne nous parle pas franchement. Vous avez raison. Et dans ce siècle, on trouve peu d'amis sincères. Cela est vrai. Promettez-moi donc, seigneur Géronimo, de me parler avec toutes sortes de franchise. Je vous le promets. Jurez-en votre foi. Oui, foi d'amis. Dites-moi seulement votre affaire. C'est que je veux savoir de vous si je ferai bien de me marier. Qui? Vous? Oui, moi-même, en propre personne. Quel est votre avis là-dessus? Je vous prie, auparavant, de me dire une chose. Et quoi? Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? Moi? Oui. Ma foi, je ne sais. Mais je me porte bien. Vous ne savez pas à peu près votre âge? Non, est-ce qu'on songe à cela? Dites-moi un peu, s'il vous plaît. Combien aviez-vous d'années lorsque nous fîmes connaissance? Ma foi, je n'avais que 20 ans, alors. Combien fûmes-nous ensemble à Rome? 8 ans. Quel temps avez-vous demeuré en Angleterre? 7 ans. Et en Hollande, où vous fûmes ensuite? 5 ans. Et demi. Combien y a-t-il que vous êtes revenu ici? Je reviens en 56. 56. De 56 à 68, il y a 12 ans, ce me semble. 5 ans en Hollande font 17. 7 ans en Angleterre font 24. 8 dans notre séjour à Rome font 32. Et 20 que vous aviez lorsque nous nous connûmes, cela fait justement 52. Si bien, seigneur Sganarell, que sur votre propre confession, vous êtes environ à votre 52e ou 53e année. Qui? Moi? Ça se peut pas. Mon Dieu, le calcul est juste. Et là-dessus, je vous dirai franchement et en ami, comme vous m'avez fait promettre de vous parler, que le mariage n'est guère votre fête. C'est une chose à laquelle il faut que les jeunes gens pensent bien mûrement avant que de la faire. Mais les gens de votre âge n'y doivent point penser du tout. Et si l'on dit que la plus grande de toutes les folies et celle de se marier, je ne vois rien de plus mal à propos que de la faire, cette folie, dans la saison où nous devons être plus sages. Je vous en dis nettement ma pensée, je ne vous conseille point de songer au mariage et je vous trouverai le plus ridicule du monde si, ayant été libre jusqu'à cette heure, vous alliez vous charger maintenant de la plus pesante des chaînes. Et moi, je vous dis que je suis résolu de me marier et que je ne serai point ridicule en épousant la fille que je recherche. C'est une autre chose. Vous ne m'aviez pas dit cela. C'est une fille qui me plaît et que j'aime de tout mon cœur. Vous l'aimez de tout votre cœur? Sans doute. Et je l'ai demandé à son père. Vous l'avez demandé? Et oui. Et c'est un mariage qui se doit conclure ce soir. Et je donnais parole. Oh, mariez-vous donc, je ne dis plus mot. Je quitterai le dessein que j'ai fait. Ah, où semble-t-il, Seigneur Geronimo, que je ne sois plus propre à songer à une femme? En ne parlant point de l'âge que je puisse avoir, mais regardons seulement les choses. Y a-t-il homme de 30 ans qui paraisse plus frais et plus vigoureux que vous me voyez, hein? N'ai-je pas tous les mouvements de mon corps aussi bons que jamais? Et voit-on que j'ai besoin de carrosse ou de chaise pour cheminer? N'ai-je pas encore toutes mes dents les meilleures du monde? Ne fais-je pas vigoureusement mes 4 repas par jour? Et peut-on voir un estomac qui ait plus de force que le mien? 4, 1, 1. Qu'en dites-vous? Vous avez raison, je m'étais trompé. Vous ferez bien de vous marier. J'y ai répugné autrefois, mais j'ai maintenant de puissantes raisons pour cela. Outre la joie que j'aurai de posséder une belle femme qui me fera 1000 caresses, qui me dorlotera, qui me viendra frotter lorsque je serai là. Outre cette joie, dis-je, je considère qu'en demeurant comme je suis, je laisse périr dans le monde la race des Scalarelles. Qu'en me mariant, tu pourrais me voir revivre en d'autres moi-même. J'aurais le plaisir de voir des créatures qui seront sorties de moi, de petites figures qui me ressembleront comme deux gouttes d'eau, qui se joueront continuellement dans la maison et m'appelleront Lampop quand je reviendrai de la ville et me diront de petites folies. Oh, les plus agréables du monde. Attendez, il me semble déjà que j'y suis et que j'en vois une demi-douzaine autour de moi. Il n'y a rien de plus agréable que cela et je vous conseille de vous marier le plus vite que vous pouvez. Tout de bon? Vous me le conseillez? Assurément. Vous ne sauriez mieux faire. Oh, vraiment, je suis ravi que vous me donniez ce conseil en véritable ami. Mais quelle est, s'il vous plaît, la personne avec qui vous allez vous marier? Dorimène? Cette jeune Dorimène, si galante et si bien parée. Oui. Fille du seigneur Alcantor. Justement. Et sœur d'un certain Alcidas qui se mêle de porter l'épée. Mais c'est cela? Vertu de ma vie. Mais qu'en dites-vous? Bon parti! Mariez-vous promptement! N'ai-je pas raison d'avoir fait ce choix? Hein? Sans doute! Que vous serez bien mariés! Dépêchez-vous de l'être! Oh! Vous me comblez de joie de me dire cela! Et je vous remercie de votre conseil. Et je vous invite ce soir à mes noces. Je n'y manquerai pas et je veux y aller en masque afin de les mieux honorer. Serviteur. La jeune Dorimène, fille du seigneur Alcantor, avec le seigneur Scalarelle, qui n'a que 53 ans. Le beau mariage. Le beau mariage. Le beau mariage. Aimons-nous, unissons nos désirs et nos cœurs, nos soupirs, nos longueurs, nos amours. Ce mariage doit être heureux, car il donne de la joie à tout le monde. Et je fais rire tous ceux à qui j'en parle. Et me voilà maintenant le plus content des hommes. Allons, petit garçon. Qu'on tienne bien ma queue et qu'on ne s'amuse pas à badiner. Voici ma maîtresse qui vient. Oh, qu'elle est agréable, quel air et quelle taille. Peut-il y avoir un homme qui n'ait, en la voyant, des démangeaisons de se marier? Où allez-vous, belle? Mignonne. Chère épouse future, de votre époux futur. Je vais faire quelques emplettes. Eh bien, ma belle, c'est maintenant que nous allons être heureux, l'un et l'autre. Ne serait plus en droit de me rien refuser. Et je serai à même pour vous caresser comme je voudrais, sans que personne s'en scandalise. Vous allez être à moi? Depuis la tête jusqu'aux pieds. Je serai maître de tout. De vos petits yeux éveillés, de votre petit nez fripon, de vos lèvres appétissante, de vos oreilles amoureuses, de votre petit menton joli, de vos petits tétons rondelets, et de... Enfin, votre... Toute votre personne sera à ma discrétion, et je serai à même pour vous caresser comme je voudrais. Oh, n'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable pouponne? Tout à fait aise, je vous jure. Car enfin, la sévérité de mon père m'a tenue jusqu'ici dans une sujétion la plus fâcheuse du monde. Il y a je ne sais combien que j'enrage du peu de liberté qu'il me donne. Et j'ai 100 fois souhaité qu'il me mariât pour sortir promptement de la contrainte où j'étais avec lui et me voir en état de faire ce que je voudrais. Dieu merci. Vous êtes venu, heureusement pour cela. Et je me prépare désormais à me donner du divertissement. Oh, et à réparer comme il faut le temps que j'ai perdu. Comme vous êtes un fort galant homme et que vous savez comme il faut vivre, je crois que nous ferons le meilleur ménage du monde ensemble. Et que vous ne serez point de ces maris incommodes qui veulent que leurs femmes vivent comme des loups-garous. Je vous avoue que je ne m'accommoderai pas de cela. Et que la solitude me désespère. J'aime le jeu, les visites, les assemblées, les cadeaux et les promenades. En un mot, toutes les choses de plaisir. Et vous devez être ravie d'avoir une femme de mon humeur. Nous n'aurons jamais aucun démêlé ensemble. Et je ne vous contraindrai point dans vos actions. Comme j'espère que de votre côté, vous ne me contraindrez point dans les miennes. Pour moi, je tiens qu'il faut avoir une complaisance mutuelle et qu'on ne se doit point marier pour se faire enrager l'un l'autre. Enfin, nous vivrons étant mariés comme deux personnes qui savent leur monde. Aucun soupçon jaloux ne nous troublera la cervelle et c'est assez que vous serez assurés de ma fidélité comme je serai persuadée de la vôtre. Et qu'avez-vous? Je vous vois tout changer de visage. Ce sont quelques vapeurs qui me viennent de monter à la tête. C'est un mal aujourd'hui qui attaque beaucoup de gens. Mais notre mariage vous dissipera tout cela. Adieu. Il me tarde que je n'aie des habits raisonnables pour quitter vite ces guenilles. Je m'en vais de ce pas, achever d'acheter toutes les choses qu'il me faut, et je vous enverrai les marchands. Seigneur Scannarel, je suis ravi de vous trouver encore ici et j'ai rencontré un orfèvre qui, sur le bruit que vous cherchez quelques beaux diamants en bague pour faire un présent à votre épouse, m'a fort prié de vous venir parler pour lui et de vous dire qu'il en a un à vendre, le plus parfait du monde. Mon Dieu, cela n'est pas pressé. Comment ? Que veut dire cela ? Où est l'ardeur que vous montriez tout à l'heure ? M'est venu depuis un moment de petits scrupules sur le mariage. Avant que de passer plus avant, je voudrais bien agiter à fond cette matière. Et que l'on m'expliquât un songe que j'ai fait cette nuit. Vous savez que les songes sont comme des miroirs, où l'on découvre quelquefois tout ce qui nous doit arriver. Il me semblait que j'étais dans un vaisseau, sur une mer, bien agitée, et que... Seigneur Sganarelle, j'ai maintenant quelques petites affaires qui m'empêchent de vous ouïr. Je n'entends rien du tout au songe. Et quant au raisonnement du mariage, vous avez là deux savants, deux philosophes, vos voisins, qui songent à vous débiter tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Comme ils sont de sectes différentes, vous pouvez examiner leurs diverses opinions là-dessus. Pour moi, je me contente de ce que je vous ai dit tantôt et demeure votre serviteur. Il a raison. Il faut que je consulte un peu ces gens-là sur la certitude où je suis. Allez ! Vous êtes un impertinent, mon ami ! Un homme bannissable de la République des Lettres ! Bon, en voici un fort à propos. Je te soutiendrai par vive raison. Je te montrerai par Aristote, le philosophe des philosophes, que tu es un ignorant, ignorantissime, ignorantifiant et ignorantifié par tous les cas et modes imaginables. Il a pris querelle contre quelqu'un. Seigneur ! Tu te peux mêler de raisonner et tu ne sais pas seulement les éléments de la raison. La colère n'empêche de me voir, Seigneur ! C'est une proposition condamnable dans toutes les terres de la philosophie. Il faut qu'on l'ait fort irrité. Je... Tanto coelo, tanta via, aberas. Baisse les mains à monsieur le docteur. Serviteur. Peut-on ? Sais-tu bien ce que tu as fait ? Un syllogisme, une balordo. Je vous... La majeure en est inepte, la mineure impertinente et la conclusion ridicule. Je crèverai plutôt que d'avouer ce que tu dis et je soutiendrai mon opinion jusqu'à la dernière goutte de mon encre. Oui, je défendrai cette proposition pugnis et calcibus unguibus et rostro. Seigneur Aristote. Et peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère ? Un sujet le plus juste du monde. Et quoi encore ? Un ignorant m'a voulu soutenir une proposition erronée. Une proposition épouvantable, effroyable. Exécrable. Et puis-je demander ce que c'est ? Ah, Seigneur Sganarelle, tout est renversé aujourd'hui. Et le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout. Et les magistrats qui sont établis pour maintenir l'ordre dans cet état devraient rougir de honte en souffrant un scandale aussi intolérable que celui dont je veux parler. Et quoi donc ? N'est-ce pas une chose horrible ? Une chose qui crie vengeance au ciel. Que d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau. Comment ? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. D'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure, que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés, et la figure, la disposition extérieure des corps qui sont inanimés. Et puisque le chapeau est un corps inanimé, il faut dire la figure d'un chapeau, et non pas la forme. Oui, ignorant que vous êtes, c'est comme il faut parler. Et ce sont les termes exprès d'Aristote dans le chapitre de la qualité. Oh, je pensais que tout fut perdu. Oh, Seigneur docteur, ne songez plus à tout cela. Je suis dans une colère que je ne me sens pas. Laissez la forme et le chapeau en paix. Je... Impertinent, fiefé. De grâce, remettez-vous. Je... Ignorant. Mon Dieu, je... Mais vouloir soutenir une proposition de la sorte. Il a tort. Une proposition condamnée par Aristote. Cela est vrai, je... Vous avez raison. Oui. Vous êtes un sot et un impudent de vouloir disputer contre un docteur qui sait lire et écrire. Voilà qui est fait. Je vous prie de m'écouter. Je viens vous consulter sur une affaire qui m'embarrasse. J'ai dessein de prendre une femme pour me tenir compagnie dans mon ménage. La personne est belle et bien faite. Elle me plaît beaucoup et est ravie de m'épouser. Son père me l'a accordé. Mais je crains un peu ce que vous savez, la disgrâce dont on ne plaint personne. Et je voudrais bien vous prier comme philosophe de me dire votre sentiment. Hein? Quel est votre avis là-dessus? Plutôt que d'accorder qu'il faille dire la forme d'un chapeau, j'accorderai que datur vacuum in rerum natura, et que je ne suis qu'une bête. La peste soit de l'homme, et monsieur le docteur, écoutez un peu les gens. On vous parle. Une heure durant. Et vous ne répondez point à ce qu'on vous dit. Je vous demande pardon. Une juste colère m'occupe l'esprit. Oh, laissez tout cela. Prenez la peine de m'écouter. Soit. Que voulez-vous? Je vous veux parler de quelque chose. Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. Bah, parbleu de la langue que j'ai dans la bouche. Je crois que je n'irai pas emprunter celle de mon voisin. Je vous dis de quel idiome? De quel langage? Oui, c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler italien? Non. Espagnol? Non. Anglais? Non. Allemand? Non. Latin? Non. Grec? Non. Oh, oh, oh. Hébreu? Non. Syriaque? Non. Turc? Non. Arabe? Non, français. Ah, français. Fort bien. Passez donc de l'autre côté, car cette oreille-ci est destinée pour les langues scientifiques et étrangères, et l'autre est pour la vulgaire et la maternelle. Il faut bien des cérémonies avec ces sortes de gens-ci. Que voulez-vous? Vous consulter sur une petite difficulté. Ah, sur une difficulté de philosophie, sans doute. Pardonnez-moi, je... Vous voulez peut-être savoir si la substance et l'accident sont termes synonymes ou équivoques à l'égard de l'être. Point du tout. Si la logique est un art ou une science. Ce n'est pas cela, je... Si, elle a pour objet les trois opérations de l'esprit, ou la troisième seulement. Non, je... Si, il y a 10 catégories, ou s'il n'y en a qu'une. Point, je... Si, la conclusion est de l'essence du syllogisme. Néni, je... Si, l'essence du bien est mise dans la pétibilité ou dans la convenance. Non, je... Si le bien se réciproque avec la fin. Non, si je... Si la fin ne peut émouvoir ou par son être réel ou par son être intentionnel. Non, de par tous les diables, non. Expliquez-moi donc votre pensée, car je ne puis la deviner. C'est ce que je veux faire aussi, mais il faut m'écouter. La parole a été donnée à l'homme pour expliquer sa pensée. Et tout ainsi que les pensées sont les portraits des choses. De même, nos paroles sont les portraits de nos pensées. Mais ces portraits diffèrent des autres portraits en ce que les autres portraits sont distingués partout de leurs originaux. Et que la parole enferme en soi son original, puisqu'elle est autre chose que la pensée expliquée par un signe extérieur. Ceux qui pensent bien sont aussi ceux qui parlent le mieux. Expliquez-moi donc votre pensée par la parole. Qui est le plus intelligible de tous les signes? Peste de l'homme. Oui, la parole est animi index et speculum. C'est le truchement du cœur. C'est l'image de l'âme. C'est un miroir qui nous représente naïvement les secrets les plus arcanes de nos individus. Et puisque vous avez la faculté de ratiociner et de parler tout ensemble... À quoi tient-il que vous ne vous serviez de la parole pour me faire entendre votre pensée? C'est ce que je veux faire aussi, mais vous ne voulez pas m'écouter! Je vous écoute! Parlez! Mais surtout, soyez bref! Évitez la prolixité! Tranchez-moi votre discours d'un apophtègme à la laconienne! Point d'embâche de circonlocution! Et quoi? Vous vous emportez au lieu de vous expliquer? Allez, vous êtes plus impertinent que celui qui m'a voulu soutenir qu'il faut dire la forme d'un chapeau. Et je vous prouverai en toute rencontre, par raison démonstrative et convaincante, et par argument inebarbara, que vous n'êtes et ne serez jamais qu'une pécore, et que je suis et serai toujours in utroque iure, le docteur Pancras. Quel diable de babillard! Homme de lettres, homme d'érudition. Encore! Homme de capacité, homme de suffisance. Homme consommé dans toutes les sciences naturelles, morales et politiques. Homme savant, savantissime, per omnes, modos et casus. Homme qui possède superlativé fable, mythologie et histoire. Grammaire, poésie, rhétorique, dialectique et sophistique. Mathématiques, arithmétique, optique, neurocritique, physique et métaphysique. Cosmimométrie, géométrie, architecture, spéculoire et spéculatoire. Médecine, astronomie, astrologie, physionomie, métoposcopie, chiromancie, géomancie. Etc. Oh, diable et savant. Qui ne veulent point écouter les gens. Oh, on me l'avait bien dit que son maître Aristote n'était rien qu'un bavard. Et il faut que j'aille trouver l'autre. Et il est plus posé et plus raisonnable. Malheureux. Que voulez-vous de moi, seigneur Sganarelle ? Seigneur docteur, j'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit, et je suis venu ici pour cela. Ah, voilà qui va bien, il écoute le monde, celui-ci. Seigneur Sganarelle, changez s'il vous plaît cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais « il me semble que je suis venu ». Il me semble ? Et parbleu, il faut bien qu'il me le semble, puisque cela est... Ce n'est pas une conséquence, et il peut vous sembler sans que la chose soit véritable. Comment... Il n'est pas vrai que je suis venu? Cela est incertain, et nous devons douter de tout. Quoi? Je ne suis pas ici, et vous ne me parlez pas? Il m'apparaît que vous êtes là... Et il me semble que je vous parle. Mais il n'est pas assuré que cela soit. Que diable! Vous vous moquez? Me voilà. Et vous voilà bien nettement. Il n'y a pas de me semble à tout cela. Où laissons ces subtilités, je vous prie. Et parlons de mon affaire. Je viens vous dire que j'ai envie de me marier. Je n'en sais rien. Je vous le dis. Il se peut faire... La fille que je veux prendre est fort jeune et fort belle. Il n'est pas impossible. Ferais-je bien ou mal de l'épouser? L'un ou l'autre? Oh, c'est une autre musique. Non, je vous demande si je ferais bien d'épouser la fille dont je vous parle. Selon la rencontre, ferais-je mal? Par aventure? Oh, de grâce, répondez-moi comme il faut. C'est mon dessein. J'ai une grande inclination pour la fille. Peut-être? Le père me l'a accordé. Il se pourrait. Mais en l'épousant... Je crains d'être cocu. La chose est faisable. Mais qu'en pensez-vous? Il n'y a pas d'impossibilité. Et que feriez-vous si vous étiez en ma place? Je le sais. Comme conseillez-vous de faire? Ce qui vous plaira. J'enrage. Je m'en lave les mains. Oh, diable, le rêveur. Il en sera... Ce qui pourra... La peste du bourreau. Je te ferai changer de note, chien de philosophe enragé. Te voilà payé de ton galimatia. Et me voilà content. Comment? Quelle insolence! Mon trajet de la sorte... Avoir eu l'audace de battre un philosophe comme moi. Oh, mais corrigez, s'il vous plaît, cette manière de parler. Il faut douter de toute chose. Et vous ne devez pas dire que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu. Ah, je m'en vais faire ma plainte au commissaire du quartier des coups que j'ai reçus. Je m'en lave les mains. J'en ai les marques sur ma personne. Il se peut faire. C'est toi qui m'as traité ainsi. Il n'y a pas d'impossibilité. J'aurai un décret contre toi. Je n'en sais rien. Et tu seras condamné en justice. Il en sera ce qui pourra. Laisse-moi faire. Comment? Serait tiré une parole positive de ce chien d'homme-là? Non, on est aussi savant à la fin, au commencement. Et que dois-je faire? Dans l'incertitude des suites de mon mariage, jamais homme ne fut plus embarrassé que je suis. Oh, voici des Égyptiennes. Il faut que je me fasse dire par elles ma bonne aventure. elles sont gaillardes. Écoutez, vous autres, y a-t-il moyen de me dire ma bonne fortune? Oui, mon bon monsieur. Nous voici deux qui te la diront. Tu n'as seulement qu'à nous donner ta main avec la croix dedans. Et nous te dirons quelque chose pour ton bon profit. Les voilà toutes deux avec ce que vous demandez. Tu as une bonne physionomie, mon bon monsieur. Tu as une bonne physionomie. Oui, bonne physionomie. Physionomie d'un homme. Tu seras un jour quelque chose. Tu seras marié avant qu'il soit peu, mon bon monsieur. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille. Une femme gentille. Oui, une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde. Une femme qui te fera beaucoup d'amis. Mon bon monsieur, qui te fera beaucoup d'amis. Une femme qui fera venir l'abondance chez toi. Femme qui te donnera une grande réputation. Tu seras considéré par elle, mon bon monsieur. Tu seras considéré par elle. Eh, ouais, tu viens. Mais dites-moi un peu, suis-je menacé d'un cocu? Cocu? Oui. Cocu? Oui, si je suis menacé de cocu. Que diable, ce n'est pas là à me répondre. Venez, chat, je vous demande à toutes si je serai cocu. Tati! Oui, si je serai cocu. Vous, cocu! Je le saurai ou non. La peste soit des carognes qui me laissent dans l'inquiétude. Il faut absolument que je sache la destinée de mon mariage. Dorimène, c'est sans raillerie que vous parlez. Sans raillerie. Vous vous mariez tout de bon. Tout de bon. Et vos noces se feront dès ce soir. dès ce soir. Et vous pouvez, cruel que vous êtes, oublier de la sorte l'amour que j'ai pour vous et les obligeantes paroles que vous m'aviez données. Moi, point du tout. Je vous considère toujours de même et ce mariage ne doit point vous inquiéter. C'est un homme que je n'épouse point par amour et sa seule richesse me fait résoudre à l'accepter. Je n'ai point de bien. Vous n'en avez point aussi. Et vous savez que sans cela, on passe mal le temps au monde. Et qu'à quelque prix que ce soit, il faut tâcher d'en avoir. J'ai embrassé cette occasion-ci de me mettre à mon aise. Et je l'ai fait sur l'espérance de me voir vite délivrée du barbon que je prends. C'est un homme qui mourra avant qu'il soit peu et qui n'a tout au plus que 6 mois dans le ventre. Je vous le garantis défunt dans le temps que je dis. Et je n'aurai pas longuement à demander pour moi au ciel l'heureux état de veuve. Oh ! Oh ! Nous parlions de vous. Et nous en disions tout le bien qu'on en saurait dire. Est-ce là monsieur ? Oui. C'est monsieur qui me prend pour femme. Agréez, monsieur, que je vous félicite de votre mariage et vous présente en même temps mes très humbles services. Je vous assure que vous épousez là une très honnête personne. Et vous, mademoiselle, je me réjouis avec vous aussi de l'heureux choix que vous avez fait. Vous ne pouviez pas mieux trouver. Et monsieur a toute la mine d'être un fort bon mari. Oui, monsieur, je veux faire amitié avec vous et lier ensemble un petit commerce de visite et de divertissement. C'est trop d'honneur que vous nous faites à tous deux. Mais allons, le temps me presse et nous aurons tout le loisir de nous entretenir ensemble. Oula. Tout à fait dégoûté de mon mariage. Je crois que je ferais pas mal de me laisser dégager de ma parole. Il m'en a coûté quelque argent. Que de m'exposer à quelque chose de pire. Tâchons adroitement de nous débarrasser de cette affaire. Le concurrent est une... Hola. Oh, mon gendre, soyez le bienvenu. Messieurs, votre serviteur. Vous venez pour conclure le mariage. Excusez-moi. Je vous promets que j'en ai autant d'impatience que vous. Je viens ici pour autre sujet. J'ai donné ordre à toutes les choses nécessaires pour cette fête. Il n'est pas question de cela. Les violons sont retenus, le festin est commandé et ma fille est parée pour vous recevoir. Ce n'est pas ce qui m'amène. Enfin, vous allez être satisfait. Et rien ne peut retarder votre contentement. Ah, mon Dieu, c'est autre chose. Alors, après donc, mon gendre. J'ai un petit mot à vous dire. Oh, mon Dieu, ne faisons point de cérémonie. Entrez vite, s'il vous plaît. Non, vous dis-je, je vous veux parler auparavant. Vous voulez me dire quelque chose? Oui. Et quoi? Seigneur Alcanteur, j'ai demandé votre fille en mariage, il est vrai, et vous me l'avez accordée. Mais je me trouve un peu avancé en âge pour elle, et je considère que je ne suis point du tout son fait. Oh, pardonnez-moi, ma fille vous trouve bien comme vous êtes. Et je suis sûr qu'elle vivra fort contente avec vous. Point. J'ai parfois des bizarreries épouvantables et elle aurait trop à souffrir de ma mauvaise humeur. Ma fille a de la complaisance et vous verrez qu'elle s'accommodera entièrement à vous. J'ai quelques infirmités sur mon corps qui pourraient la dégoûter. Cela n'est rien. Une honnête femme ne se dégoûte jamais de son mari. Enfin, voulez-vous que je vous dise, je ne vous conseille pas de me la donner. Vous moquez-vous? J'aimerais mieux mourir que d'avoir manqué à ma parole. Eh, mon Dieu, je vous en dispense. Point du tout, je vous l'ai promis et vous l'aurez, en dépit de tous ceux qui y prétendent. Le diable. Voyez-vous, j'ai une estime et une amitié pour vous toute particulière. Et je refuserai ma fille à un prince pour vous la donner. Seigneur Alcanteur, je vous suis obligé de l'honneur que vous me faites, mais je vous déclare que je ne me veux point marier. Qui? Vous? Oui, moi. Et la raison? La raison, c'est que je ne me sens point propre pour le mariage, que je veux imiter mon père et tous ceux de ma race qui ne se sont jamais voulu marier. Oh, écoutez, les volontés sont libres et je suis homme à ne contraindre jamais personne. Vous vous êtes engagé avec moi pour épouser ma fille et tout est préparé pour cela. Mais puisque vous voulez retirer votre parole, je vais voir ce qu'il y a à faire. Et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Encore est-il plus raisonnable que je ne pensais. Et je croyais avoir bien plus de peine à m'en dégager. Ma foi, quand j'y songe, j'ai fait fort sagement de me tirer de cette affaire. Et j'allais faire un pas dont je me serais peut-être longtemps repenti. Monsieur, je suis votre serviteur très humble. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Mon père m'a dit, monsieur, que vous vous étiez venu dégager de la parole que vous aviez donnée. Oui, monsieur. C'est avec regret, mais... Oh, monsieur, il n'y a pas de mal à cela. J'en suis fâché, je vous assure. Et je souhaiterais... Cela n'est rien, vous dis-je. Monsieur, prenez la peine de choisir de ces deux épées laquelle vous voulez. De ces deux épées? Oui, s'il vous plaît. À quoi bon? Monsieur, comme vous refusez d'épouser ma sœur après la parole donnée, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens vous faire. Comment? D'autres gens feraient du bruit et s'emporteraient contre vous. Mais nous sommes personne à traiter les choses dans la douceur. Et je viens vous dire civilement qu'il faut, si vous le trouvez bon, que nous nous coupions la gorge ensemble. Oh, voilà un compliment fort mal tourné. Allons, monsieur, choisissez, je vous prie. Je suis votre valet, je n'ai point de gorge à me couper pour la vilaine façon de parler que voilà. Monsieur, il faut que cela soit, s'il vous plaît. Monsieur, rengainez ce compliment, je vous prie. Dépêchons vite, monsieur, j'ai une petite affaire qui m'attend. Je ne veux point de cela, vous dis-je. Vous ne voulez pas vous battre? Mais niez ma foi. Tout de bon. Eh, tout de bon? Au moins, monsieur, vous n'avez pas lieu de vous plaindre et vous voyez que je fais les choses dans l'ordre. Vous nous manquez de parole? Je me veux battre contre vous. Vous refusez de vous battre. Je vous donne des coups de bâton. Tout cela est dans les formes et vous êtes trop honnête homme pour ne pas approuver mon procédé. Oh, quel diable d'homme est-ce si... Allons, monsieur, faites les choses galamment et sans vous faire tirer l'oreille. Encore? Monsieur... Je ne contrains personne, mais il faut que vous vous battiez ou que vous épousiez ma sœur. Monsieur, je ne puis faire ni l'un ni l'autre, je vous assure. Assurément. Assurément. Avec votre permission, donc. Monsieur! J'ai tous les regrets du monde d'être obligé d'en user ainsi avec vous. Mais je ne cesserai point que vous n'ayez promis de vous battre ou d'épouser ma sœur. Eh bien, j'épouserai. J'épouserai. Ah, monsieur, je suis ravi que vous vous mettiez à la raison et que les choses se passent doucement. Car enfin, vous êtes l'homme que j'estime le plus au monde, je vous jure. Et j'aurais été au désespoir que vous m'eussiez contraint à vous maltraiter. Je vais appeler mon père pour lui dire que tout est d'accord. Si l'amour vous soumet à ses lois inhumaines, choisissez en aimant un objet Mon père, voilà un monsieur qui est tout à fait raisonnable. Il a voulu faire les choses de bonne grâce et vous pouvez lui donner ma sœur. Monsieur, voilà sa main. Vous n'avez qu'à donner la vôtre. Loué soit le ciel, m'en voilà déchargé. Et c'est vous désormais que regarde le soin de sa conduite. Allons nous réjouir et célébrer cet heureux mariage.